chaussée rendue glissante par le verglas, la neige ou la pluie, a pour effet d'augmenter la distance de freinage. Un pneu sur une chaussée sèche adhère mieux. La fatigue, des soucis, une certaine nervosité peuvent entraîner une baisse de vigilance qui a pour effet d'augmenter le temps de réaction. Un temps de réaction perturbé, ajouté à une distance de freinage plus longue à cause d'une mauvaise météo, occasionne mathématiquement un allongement de la distance d'arrêt. Réponse A et C.